Le verbe « connaître » en espagnol ressemble au verbe français. C'est « conocer ». C-O-N-O-C-E-R. Conocer. Pour la plupart des verbes en « faire » et « fir », il y a une petite particularité avec « je ». Par exemple, « je connais » se dit « conozco » avec « z, c, o » à la fin. Mais pour le reste, ce sont les formes habituelles « conoces, conoce », etc. Alors, comment direz-vous « je ne le connais pas » ? No lo conozco. No lo conozco. Hein? No lo conozco. Et je ne la connais pas. No la conozco. Encore une fois, s'il vous plaît. No la conozco. C'est ça. No la conozco. Et est-ce que vous, hein, usted, est-ce que vous connaissez Pedro? Conoce. Conoce, oui. Conoce Pedro. Ah. A Pedro. Conoce a Pedro. Il faut ajouter ce A. C'est un A très personnel en espagnol. On le met devant tout objet direct désignant une personne. Ce A ne veut pas dire A, le A accent grave français, non. C'est un A qu'on emploie pour dire j'aime un tel, je vois un tel. Et avant le un tel, on met A. On met ce A. Pour dire est-ce que vous connaissez mon ami? On dira « conoce a mi amigo hein, », mon ami, et non « conoce mi amigo ». Mais ça, c'est seulement s'il s'agit de personnes. Pour dire « est-ce que vous connaissez Madrid hein, », vous direz tout simplement « conoce Madrid »